Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Ah, je ne comprends pas, moi je n'y comprends rien du tout, mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, aujourd'hui, oui, les Crocs. What do we think? Is it real? Vous en pensez quoi? C'est une vraie Crocs ou c'est un gâteau? It's cake. C'est un gâteau. This one is cake, but the collab is very real. Par contre, notre collaboration avec Crocs est bien réelle. Ça fait des années que je porte des Crocs et je viens de concevoir mon propre design. J'ai fait une collab avec Ryan Good, Drew House et Crocs qui va sortir bientôt. Hâte que vous la découvriez. Crocs, leur nom ne vous dit peut-être rien, mais vous en avez forcément déjà vu. Peut-être avez-vous même succombé à leur mode comme les popstars tels Justin Bieber. Ces sabots en plastique troués sont pourtant le symbole du moche. Pas du laid, du moche. Mais qu'est-ce que le moche s'il n'est pas le contraire du beau? Peut-on le définir? Est-il universel? Le moche de l'un est-il le moche de l'autre? Et jusqu'où peut-on aimer ce qui déplaît? D'une simple paire de chaussures en plastique se déploie ainsi une grande problématique. Le moche serait-il une nouvelle norme esthétique? Bonjour Alice Pfeiffer. Bonjour. Vous êtes journaliste de mode, vous êtes spécialiste d'anthropologie de la mode et de gender studies. Récemment est paru votre livre « Le goût du moche », un essai excellent donc sur le moche. Il est paru aux éditions Flammarion, c'était en mai dernier. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'est une Crocs ? Une croque, c'est magnifique, j'ai passé tout l'été dedans. C'est un sabot entièrement en plastique avec des picots à l'intérieur, des petits trous pour le haut, sur le haut pour pas qu'on transpire, et une lanière, le tout dans des couleurs rose bonbon, j'en ai avec motifs multicolores, ciel étoilé, et il y a aussi des motifs fourrure pour l'hiver. Alors Crocs, c'est une entreprise de chaussures, donc la chaussure porte le nom de cette entreprise, elle a été créée en 2002, on appelle ça les Classic Crocs, donc c'est des sabots en mousse, je précise la matière, d'éthylène acétate de vinyle, c'est assumé comme moche par l'entreprise, c'est vrai que c'est vraiment l'objet moche, je ne sais pas si les auditeurs, auditrices se figurent un petit peu à quoi ressemble une croque, c'est donc un sabot en plastique comme vous l'avez dit, mais effectivement, c'est pas vraiment un objet de mode qu'on trouve beau, c'est vraiment le symbole du moche. Alors, ça a toujours été le summum absolu du moche, l'anti-chaussure, avec aucun savoir-faire de chausseur, de cordonnerie derrière. C'est des objets qu'on jette, c'est ce qu'on appelait le McDonald's de la mode à une époque. Mais récemment, et pendant le confinement, on l'a vu ressortir sur tous les pieds. On a vu des collaborations avec Justin Bieber, le DJ Vladimir Cauchemar. On a vu des réappropriations par la marque Balenciaga, qui en a fait des versions à talons, de luxe, et qui coûtaient près de 1000 euros. Donc, c'est Nicki Minaj. Elle a fait une photo où elle les portait. Je dois quand même dire qu'il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires délirante de 4900%, je crois. Ah oui, voilà. Ouais, exactement. Ah oui, ça a été dans Même Le Monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu un basculement sur le regard porté sur la Crocs, qui est interrogé dans le livre. Mais le livre est arrivé à coïncider justement avec cette explosion qui est assez drôle et je pense qui correspond aussi à la vie qu'on a menée pendant le Covid. Alors comment expliquer cet engouement pour la Crocs, mais surtout en fait on va vite dépasser en fait ce que c'est la Crocs. L'idée n'est pas de faire une philosophie de la Crocs, de ses trous, de sa forme, du plastique de la Crocs, mais plutôt de ce qu'elle représente, à savoir un symbole du moche et à savoir le fait qu'il peut y avoir un engouement pour le moche. Comment expliquer ce goût du moche ? Je pense que le beau a quelque chose de terriblement normatif, surtout en France où on a des féminités, ou la féminité de la Parisienne sur laquelle j'avais écrit dans mon premier ouvrage, qui finalement est presque en accord avec les avenues haussmanniennes. Le beau veut dire le finalement une forme d'hégémonie assez brutale et normative qui impose des règles de bienséance, des règles bourgeoises. Et je pense que quelque part avec le Covid, l'explosion de toute la vie sociale parisienne, l'infantilisation d'être chez soi, l'impossibilité d'aller au boulot, de s'apprêter pour d'autres gens, ça nous a mené à un corps en point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on montre pas? Et pour moi, la croque, ça a été vraiment la chaussure d'intérieur et d'extérieur, et le découlement du domestique vers le tout petit rayon où on allait acheter ses clopes. Et c'était se dire non, je suis plus un grand bourgeois qui me promène dans Paris et ou à New York, et qui finalement je suis chez moi et je regarde mon confort de façon un peu plus proche. Le moche, c'est un concept qui n'existe pas du tout en philosophie. Vous avez parlé de beau, Alice Pfeiffer, on peut parler de laid. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de Nietzsche, mais avant ça, petite surprise. Et on parle chaussures de plage avec Isabelle Monrosier. Quelles chaussures portez-vous au bord de la mer ? Claire, 35 ans, je ne porte que des crocs à talons pour aller à la plage. J'ai déjà vu plein de fashion faux pas, hein. J'ai déjà vu des gens qui veulent mettre tous ces atouts en valeur, et le décolleté, et la taille marquée, et les moulants, et la mini-jupe, et les talons, et des ongles longs, et trop de maquillage, et trop coiffé, et trop de bijoux. Ça, c'est un énorme fashion faux pas qu'on voit quand même pas mal dans la rue. Au point de vue physiologique, tout ce qui est laid affaiblit et attriste l'homme. Cela le fait songer à la décomposition, au danger, à l'impuissance. Il y perd décidément de la force. On peut mesurer au dynamomètre l'effet de la laideur. En général, lorsque l'homme éprouve un état d'affaissement, il flaire l'approche de quelque chose de laid. Son sentiment de puissance, sa volonté de puissance, son courage, sa fierté, tout ceci s'abaisse avec le laid et monte avec le beau. Nous entendons le laid comme un signe et un symptôme de la dégénérescence. Ce qui rappelle de près ou de loin la dégénérescence provoque en nous le jugement laid. Chaque indice d'épuisement, de lourdeur, de vieillesse, de fatigue, toute espèce de contrainte telle que la crampe, la paralysie, avant tout l'odeur, la couleur, la forme de la décomposition, serait-ce même dans sa dernière atténuation sous forme de symbole. Tout cela provoque la même réaction, le jugement laid. Ici, une haine jaillit. Qui, l'homme, est-il ici? Mais il n'y a à cela aucun doute. L'abaissement de son type. Il est, du fond de son plus profond instinct de l'espèce. Dans cette haine, il y a un frémissement de la prudence, de la profondeur, de la clairvoyance. C'est la haine la plus profonde qu'il y ait. Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vendredi, notre nouvelle série sur les objets inattendus de la philosophie. Aujourd'hui, les crocs, l'occasion de se demander, y a-t-il une essence du moche? On vient d'écouter un extrait du texte Le Crépuscule des Idoles, Flânerie inactuelle, paragraphe 20, c'est deux. Texte de Nietzsche, Alice Pfeiffer, vous êtes notre invitée pour parler du moche. On a entendu cette définition du laid, le laid affaiblit et attriste l'homme. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on peut aussi définir le moche, ou alors le moche et le laid, ça n'a rien à voir? Alors, le moche est pas exactement la même chose que le laid. Le laid, c'est l'envers absolu, de façon presque binaire, du beau. C'est si un est divin, l'autre est diabolique. Si l'un est réjouissant, l'autre est ténébreux, cadavérique, terrible. Le moche, on parle pas de c'est, ça va être quelque chose de plus attendrissant. Ça va être le vilain petit canard qui peut être finalement avoir d'autres valeurs, qui peut être quand même mignon, drôle, attendrissant, moche finalement. C'est pas de la grande laideur diabolique et divine. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de qualités qui viennent concurrencer le beau à l'intérieur du moche. Ça va être un objet ludique, ça va être un rappel familier, ça va être une source de rire, des références partagées. Donc c'est un objet qui est parfaitement adorable et pourtant irregardable. Ce qui est paradoxal, c'est que le moche tient tout autant. Vous dites dans votre livre que le moche, c'est un petit peu le petit frère minable, indigne du laid, mais finalement, le moche a plus savoir avec le beau, parce que le moche va venir concurrencer les valeurs du beau plus que les valeurs du laid. Le laid, Le lait dégoûte, le lait est un sublime horrifique, mais le moche est beaucoup plus quotidien, familier. Vous avez parlé du confinement, Alice Pfeiffer, alors que ce moche-là quotidien va juste en fait peut-être nous permettre de redéfinir du beau au jour le jour. Oui, tout à fait. C'est ce qui est intéressant avec la croque, c'est que c'était, certes, elle n'était pas belle, mais elle répondait à une fonction très précise, où c'était des souvenirs partagés. C'était quelque chose qu'on s'avouait pas. C'était peut-être une classe sociale de laquelle on venait, qu'on n'avait jamais osé assumer par la suite. Donc, sous couvert de second degré, on pouvait revenir à des choses qui étaient peut-être particulièrement attendrissantes, des souvenirs d'enfance. C'est énormément de choses. Faut critiquer une certaine bourgeoisie, critiquer peut-être même de façon presque néolibérale. Critiquer le corps adulte qui agit, l'idée d'un power wear, d'un power suit. Donc c'était plein d'outils qui venaient critiquer ce qu'on attend d'un adulte, de codes vestimentaires, d'une parade sociale. On est sorti de chez soi finalement presque avec une pince à cheveux sur l'eau de la tête. C'est là où le moche en fait permet de se dire qu'au quotidien, au-delà en fait du confinement qui vraiment a mis en avant effectivement cette tendance-là, que le moche permet en fait de redéfinir un rapport qu'on a avec des normes sociales, des normes esthétiques, des normes de genre, des normes politiques. Oui, parce qu'elles sont à genre, elles sont aussi à générationnelles. Elles sont à la fois un objet pratique qu'on voyait dans les cultures redneck américaines, mais aussi finalement dans le corps médical. Donc là, vous parlez des crocs. Hein. Des crocs, pardon. Ouais. Oui, des crocs. Donc il y a ça va toucher à d'autres choses. Et finalement, ça va briser des normes genrées, des normes propres à notre âge, à notre profession. Finalement, c'est vraiment une chaussure pour revenir sur la croque, qui habille toute la famille et qui pose finalement la distance des frontières entre celles-ci et de ce qu'on attend et ce qui est banni ou pas. Donc le moche, que ce soit à travers les crocs, soit à travers d'autres objets, redéfinit un certain nombre de... En tout cas, va rendre visibles des normes qui nous enserrent. Est-ce que c'est une bonne manière de décrire le moche plutôt que de le décrire en termes de qualité? Parce que c'est un petit peu la question qui revient dans la philosophie esthétique, par exemple. On s'est beaucoup demandé ce que c'était que le beau, à savoir est-ce que ça correspond à des qualités intrinsèques à l'objet? Est-ce que c'est une question de jugement universel? Est-ce que c'est une question de milieu, de contexte? C'est la même chose qu'on pourrait poser comme question au moche. Est-ce que le moche, sa définition, ça ne tient pas tant à l'objet en tant que tel? La Crocs peut être vue belle chez Balenciaga, mais moche dans la rue, et ça ne tient pas à l'objet en particulier, mais ça tient plutôt au contexte, au milieu que dans lequel on voit cette Crocs. Oui, j'ai tout à fait. On peut penser à Judith Butler qui parlait d'esthétique et qui dénonce l'esthétique comme une fiction régulatrice. Alors Judith Butler, c'est philosophe nord-américaine, voilà, qui a écrit Trouble dans le genre. Exactement, et qui pour elle, l'objet esthétique finalement, si on suit ce qu'elle raconte, finalement la Crocs dénonce le système qui la produit et le système qui la rejette. Donc elle pose effectivement la question de la garde-robe, de la réappropriation. C'est ce que les Anglais appellent un happy accident. C'est finalement, on ouvre la porte vers un dialogue qu'on se rendait même pas compte qu'on était en train d'avoir. Et on regarde rarement ses pieds pour faire de la philosophie. Mais n'oublie pas que les chaussures passent par la douleur. Pour les femmes, ça va être les talons aiguilles, ça va être des portées dans le but de paraître plus mince, plus beau, plus réglé, plus riche. Et là, en faisant quelque chose qui est de façon assumée, abordable, pas forcément formidable, c'est un peu made in China aussi. On oublie tout ça pour avoir quelque chose pour consommer de façon joyeuse et se détacher de toutes les attentes qu'on produit finalement à chaque coup de brosse qu'on se met. Dans le texte qu'on a entendu de Nietzsche, interprété par Hélène Losser, on entend cette idée très intéressante que le lait affaiblit et attriste l'homme. Cela le fait songer à la décomposition, au danger, à l'impuissance. Très intéressant parce que si le moche ne se situe pas du côté du lait, est-ce qu'on peut aussi définir le moche par rapport à l'effet qu'il produit non seulement dans le regard de celui qui le regarde, mais aussi dans celui qui en porte? Est-ce que le moche, c'est le signe non pas d'un affaiblissement, mais plutôt ou alors d'une prise de puissance, ou alors, comme on le dit, une sorte de mise à l'écart? Et donc, c'est une manière d'interroger en fait, que permet le moche finalement? Est-ce que c'est vraiment de, par rapport à l'homme, de l'affaiblir, de l'encourager, de le questionner? qu'est-ce que peut le moche? Alors, le moche, alors moi je parle du point de vue d'une journaliste de mode qui adore les consommer mais qui se voit un peu obligée à les critiquer. C'est une double lecture, c'est-à-dire qu'on va on se met face à une lecture sensorielle, personnelle, intime, qui va apprécier, qui va être attirée de façon un peu mystérieuse par les couleurs, par ce qui clignote, par ce qui et en parallèle se rendre compte de l'interdit de l'apprécier. Et c'est vraiment, on se situe à la croisée des deux, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de l'aimer, ce qui rend mon amour encore plus fort pour la chose, et c'est qui fait tout de la chose finalement une espèce de geste dissident. Mais ça se met par rapport à énormément de choses. On prend compte de c'est donc interdit. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Est-ce que quelle critique sociale va avec? Est-ce que ça fait plouc? Est-ce que ça fait ringue? Est-ce que ça fait donc des grands dogmes qu'on absorbe quand on regarde la mode? Il y a aussi toute la notion de l'abjection de Kristeva, où c'est des objets qui nous ramènent face à un dégoût viscéral, un dégoût de la chair, un dégoût de ce qui nous touche, qui nous chatouille de trop près. Donc c'est toute cette porosité entre son soi social et son soi intime qui est questionné. Ça peut être, je pense aux pulls de Noël qui vont être douillés, formidables à porter, mais qui... C'est plus une mode anglo-saxonne, faut le dire. Les pulls de Noël. Les pulls de Noël, oui, c'est une mode anglo-saxonne. Donc on voit dans Friends aussi le jogging mou, le jogging peau de pêche, où ça va ressembler presque à de la peau humaine. Et donc c'est ce délice caché et finalement qu'on fait passer pour du second degré pour résister à toute la condamnation sociale. Vous avez parlé, Alice Pfeiffer, de moi social et de moi intime. Je vous propose d'écouter une archive de Bourdieu qui précisément parle de ça. J'ai conscience, qu'il y a une histoire sociale du goût et de la distinction, presque par définition, puisque la distinction étant toujours définie relationnellement, elle change par définition. Et du même coup, des choses qui auraient été vulgaires au XVIIe sont distinguées de nos jours, et inversement. Les gens sont classés objectivement par leur automobile, leur appartement, etc., etc. Mais en plus, ils sont classés par leur système de classement, c'est-à-dire par leur manière de classer, c'est-à-dire leur goût, leur manière de classer, qui les classe. Bon, qui les classe doublement, d'une part par le fait de dire j'aime si j'aime ça, on se classe, bon, et aussi par le fait que en disant j'aime si j'aime ça, on fait des actes économiques, des achats, etc., qui sont la projection objective d'un goût. C'est-à-dire, entrer dans un intérieur, c'est voir étaler une personnalité. Alors là, je cite une phrase de La Rochefoucauld que je ne sais jamais citer de mémoire, qui dit on est beaucoup plus compromis par ses goûts que par ses opinions. Hein, c'est-à-dire, les gens sont beaucoup plus humiliés d'être objectivés dans leurs goûts que dans leurs opinions. On vient d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, c'était sur France Culture le 29 octobre 1979. Alors on retrouve un petit peu la thèse de Bourdieu sur les goûts et les dégoûts. Alice Pfeiffer, et là en fait le moche, comme je l'ai dit, ne tient pas tant à des qualités intrinsèques à l'objet, mais plutôt le regard qu'on pose sur lui. Et là clairement c'est aussi un révélateur des tensions qui existent entre les classes sociales. Ah oui, tout à fait. Et dans la distinction, il évoque des grands moments dans l'histoire de la mode et du design. Par exemple, les classes nobles avaient de la tapisserie au mur pendant des siècles, jusqu'au jour où, avec l'arrivée de l'ère industrielle, on produit du papier peint impression tapisserie. Et c'est le jour où, finalement, la noblesse a complètement rejeté ça et a complètement changé ses intérieurs par dégoût de pouvoir s'apparenter aux intérieurs des classes populaires. Et avec le moche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le moche, mais il y a le moche élitiste, donc le moche qui a rejoint la haute couture. Je pense par exemple au sac Tati de chez Balenciaga, qui est un sac. C'est beaucoup Balenciaga en fait. C'est beaucoup Balenciaga. Qui s'inspire énormément en fait de codes populaires. On peut aussi penser par exemple à la reprise des tenues de livreur DHL. Alors est-ce que c'est Balenciaga? Non, c'est vêtements. C'était vêtements. C'était la ligne de Denna Gvasalia, directeur artistique, avant qu'il arrive chez Balenciaga, mais tout a tourné autour de ça. Donc effectivement, cette reprise de code populaire de la part d'une élite d'un monde quand même très fermé, qui est le monde de la mode, permet aussi quand même de distinguer, et ça on l'a pas encore fait, mais ça rentre parfaitement dans ce que dit Bourdieu, c'est qu'il y a d'un côté quand même le moche qui est revendiqué par des classes élitistes de mode, et le moche qui est porté par des personnes qui ne se rendent pas compte en fait que c'est moche, ou qui s'en rendent compte mais qui de toute façon devront faire avec. Donc c'est en ça aussi que le moche n'est pas seulement ne révèle pas seulement le regard situé socialement qu'on porte sur des objets moches ou pas, mais révèle aussi en fait ce qu'on est capable de dire moche ou pas. Ah, tout à fait. Surtout que le, ce qui va être consommé, ça va pas être l'objet d'origine, ça va pas être le sac Tati, ça va pas être le t-shirt de Jachel, c'est sa relecture luxe, sa relecture luxueuse. Mais finalement, ce qui se passe là, c'est, ce qui est intéressant pour en revenir à Bourdieu, c'est un processus de double domination finalement. C'est-à-dire que c'est une domination de la classe aisée sur les classes dominantes en disant finalement, on va vous piller, on va s'inspirer de goût. Mais, on va tellement s'approprier que même vous n'aurez plus accès à ces références, donc on en fait un modèle très cher. Et en parallèle, on snob, on devient l'élite de l'élite à l'intérieur de la haute couture. On s'annonce comme cool, comme branché, qui joue un facteur de hiérarchisation à l'intérieur du haut de la pyramide. Mais il faut que ce soit très lisible comme sa réinterprétation luxe. Donc ça va être la Crocs Balenciaga, mais avec un talon. Ça va être le sac Tati, mais avec trois cuirs différents. Le t-shirt DHL, mais en coton de soie, qui va coûter 150 € et pas 10. Donc il faut quand même, on rappelle aux autres qu'on est au courant qu'on n'appartient pas à la référence initiale. Mais alors qu'est-ce que c'est ce moche-là ? Est-ce que c'est une manière, en fait, est-ce que c'est vraiment, pour le coup, une pratique, ça relève encore d'une pratique de distinction, oui. Où là, en fait, les classes populaires, les classes élitistes ne veulent plus, en fait, rejeter les classes populaires, mais au contraire, en fait, reprendre leur code pour mieux les dominer. Donc là, en fait, on a en plus quand même un geste de mépris, en fait, oui. Face aux classes populaires. Et du coup, que reste-t-il du moche, ça ? Le moche qu'on voyait un peu comme le petit frère du beau, et du lait qui avait quand même une puissance contestataire devient en fait le geste ultime du mépris social. C'est le geste ultime du mépris social et ce qui est très intéressant, ce qu'on a remarqué récemment dans la mode, et j'avais d'ailleurs écrit à ce sujet, c'est que pendant longtemps la mode, la fonction de la mode c'était de commenter le monde extérieur, de se l'approprier finalement, d'en faire quelque chose qui lui appartient, un processus pratiquement colonial pendant longtemps, je veux dire Paul Poiret allait en Asie, Saint-Laurent est allé en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les pays étrangers, les continents étrangers, notamment l'Asie et le Moyen-Orient, sont les premiers pays consommateurs. Résultat, on peut plus du tout aller vers cet exotisme-là. Et on a vu la mode se tourner à la place vers un exotisme de classe. Donc, à partir du moment où tous ces pays-là ont pris une puissance financière, c'est finalement, on est retourné vers, on a trouvé, entre guillemets, l'autochtone ailleurs et on est vraiment allé s'inspirer de la figure du pauvre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la mode aujourd'hui, parce que je pense que il y a toute une mode, il y a même une agence de mannequins qui s'appelle Lumpen, et ça, qui produit, je cite, des gueules de pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui est tout récent et qui est terrifiant, et avec une inspiration des enfants de rue russes chez Demna Gvasalia. Et du coup, je pense que la Crocs est dans cette continuité-là, en fait. On est allé dans un vestiaire précaire, ou un vestiaire populaire, pour finalement jouer les colons comme on l'a toujours fait avec le restant du monde. Le fabricant de mode vit profondément et vit économiquement du mythe de la mode. Je veux dire, la mode a besoin de cette dimension mythique, parce que sans cela, il est bien évident que les femmes, et même les hommes, maintenant, on peut en parler à égalité, vous comprenez, c'est tout de même un tour de force dans notre société d'arriver à faire en sorte que les gens achètent des vêtements plus vite que ces vêtements ne s'usent. Et c'est ça qui définit la mode économiquement, c'est la différence entre le rythme d'achat et le rythme d'usure du vêtement. Or, pour arriver à établir une sorte de distance entre ces deux rythmes, et cela au profit du rythme d'achat, eh bien, il faut effectivement élaborer un système mythique, un système de signification, qui est précisément la mode. Gray Space think of fashion as a concept. Leur idée, c'est que tous les gens évoluent tout le temps, alors ils prennent des choses qui existent et ils ajoutent leur touch. Et le public les aime parce qu'ils dépassent les règles. Ils n'ont peur de rien, et ils veulent casser les barrières de la fashion. La mode n'a rien à voir avec un concept. La mode, c'est avoir la beauté comme horizon. Qu'importe la femme qui portera ce torchon, elle ressemblera à un sac. Le monde s'enfonce dans la laideur. Ha ! J'assiste à la revanche de la ringarde. Un couturier respecte son public et la haute couture. Ça, c'est le summum du mauvais goût. Tout en un, Roland Barthes, en 1967, c'était sur France Culture, sur le rythme imposé par la mode, et un extrait de la série qui a fait beaucoup parler récemment, Emily in Paris. Vous la connaissez, Alice Schwieffer? Alors, pas personnellement, mais c'est la série. La série, ouais. C'est la fille de Phil Collins qui la joue, qui est une fille qui arrive à Paris, qui a déjà toutes les normes qu'on attend de la parisienne, donc elle pèse 12,5 kg, elle est évidemment blanche, hétérosexuelle, et qui va se promener dans un Paris où elle arrive dans une chambre de bonne qui fait 60 mètres carrés. Elle est toute en Kenzo et en Chanel alors qu'elle est stagiaire ou quelque chose comme ça. Elle a une sexualité débridée, on ne l'emmerde jamais dans la rue. Donc oui, c'est finalement quand on l'emmerde, c'est plutôt sympa. Ah, c'est pour ça, un compliment, elle est ravie. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, cette série a fait beaucoup parler et on entend, en fait, donc, dans cet extrait, donc, de la série Emily in Paris, qu'elle parle avec, Pierre Cadeau, donc, qui est, dans la série, incarne un styliste vraiment, réputé, classique et qui ne supporte pas, en fait, cette mode du mauvais goût. Il dit qu'on s'enfonce dans la laideur, ce qui résonne avec l'archive de Barthes qu'on a entendu, sur le rythme de la mode. Finalement, la mode va beaucoup trop vite par rapport au temps d'usure des vêtements, ce qui permet de vraiment pointer cette dimension-là temporelle du moche. Le moche se définit en termes de temporalité. Le moche, finalement, est une question moins d'essence figée dans le temps, pas seulement de normes sociales, mais aussi du moment où il apparaît. Alors, tout à fait, et ça va de plus en plus vite. J'étais invitée à une soirée à Londres avant le Covid, et le thème, il me semble, de déguisement, c'était 2013. Et tout le monde est hilar, you're so 2013, les gens de la mode se disaient, mon Dieu, comme... Mais c'est quoi la mode en 2013? Déjà, il faut s'en souvenir, c'est les pas les hipsters avec ça. Des barbes, des chaussures pointues, des tout. Mais c'est vrai que ça va vraiment de plus en plus vite, parce que les informations et les archives sont recyclées à vitesse éclair sur Instagram, mais sinon, surtout... Par exemple, consommer le revival d'une mode, ça garantit peut-être qu'on n'était pas là la première fois. Donc c'est aussi une façon de suggérer son âge. Moi, je me souviens d'avoir des phases où je portais des trucs années 80 que ma mère trouvait affreux, mais ça lui rappelait une époque qui était révolue pour elle. Ça lui rappelait qu'elle était déjà là, en train de s'habiller comme ça dans les années 80. Du coup, c'est une façon d'annoncer son âge, que toutes les promesses de cette époque-là sont aussi passées, et qu'il y a tout un ethos, c'est un système de rêve et de mythologie qui va avec chaque mode. Et ça, c'est peut-être que la mode des hipsters de l'époque fait moins rire avec toutes les questions autour de la gentrification aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on abandonne tout ce que la mode nous faisait, tout ce qu'on croyait de la société via cette mode à une époque. Donc c'est l'abandon de rêve, le rappel de sa jeunesse passée. Mais c'est effectivement, et c'est plus le vêtement même, parce que le vêtement peut... Oui, c'est ça, c'est une question de temps, en fait. Ce que vous dites bien dans votre livre, Alice Pfeiffer, le goût du moche, vous distinguez si type de moche. Donc il y a le vulgaire, alors là c'est quand on en fait trop, il y a le kitsch, on en parlera plus tard, le dégueulasse, donc vous avez parlé de l'abjection, hein, c'est là où le moment où le moche en fait relève plus du ressenti, de l'émotion que d'un jugement de goût, le joli laid et le néo-moche. Et puis il y a le ringard en fait qui révèle vraiment cette dimension temporelle du moche, qui est que ce qui était beau à un moment donné devient moche par la suite, ouais. Passe au rebut et puis est d'une certaine manière ressuscité. En fait, c'est vraiment le rythme de la mode que révèle le moche. L'ambiguïté, par exemple, si on prend les Crocs ou même peut-être notre époque, c'est que le moche est précisément à la mode. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méta-moche. On réfléchit en ce moment même sur le moche. On se dit que c'est le moche qui est à la mode. C'est pas le ringard qui est à la mode. C'est pas le kitsch. C'est pas le dégueulasse. C'est vraiment le moche. Alors c'est le moche, mais c'est pas n'importe quel moche. C'est aussi un moche qu'on voit par exemple avec un vrai tournant des années 2000. Donc une technologie fraîchement désuète comme l'esthétique de Skyblog, une esthétique dite post-internet, donc il va reprendre les imageries de nos premiers téléphones portables, toutes les photos de Loana, des L5, de Shakira qui ressurgissent. Donc c'est vraiment ce kitsch des années 2000. La télé-réalité. Mais ce qui ressort, c'est que c'est un moche qui est pas seulement moche, c'est le moche d'une vie pré-crise, d'un rêve de vie pré-crise, d'un corps bling complètement ostentatoire, d'une façon d'aborder la société comme le milliardaire que nous ne sommes pas. Donc c'est effectivement un moche, mais c'est le moche d'avant l'austérité quelque part. Donc encore une fois, c'est pas il y a plein de choses moches qu'on on va voir devenir moches, mais qu'ils sont pas encore, qu'ils sont, par exemple, en New York, on parle déjà de la mode chuggy, qui serait la mode de, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Mange, Prie, Aime, il me semble, oui, bien Julia sûr, Roberts. Avec Julia Roberts, ouais. Et tout ce marketing de la bonne humeur, marketing thérapie, qui est en phase de devenir moche déjà chez les très jeunes, chez la génération Z aux États-Unis. Du coup, il y a plein de processus de mochification qui sont en cours auprès de beaucoup de générations. Oui, mais bizarrement, cette mochification est devenue synonyme aujourd'hui de coolisation, si je puis dire. C'est-à-dire que le moche est tendance, et on en vient quand même à ce paradoxe du moche, qui est quand même que le moche est plaisant, le moche attire, alors que le beau, bon, le laid dégoûte, là-dessus on est d'accord, mais on peut quand même être attiré, fasciné par la laideur, c'est par exemple les films d'horreur, ou des catastrophes naturelles. Le beau... on le trouve beau universellement, c'est-à-dire qu'on a intériorisé aussi parfois des normes culturelles de tel tableau est beau, donc je vais dire qu'il est beau, mais on peut quand même se sentir écrasé. Mais le moche, en fait, c'est comme si ça nous mettait vraiment à portée de main la possibilité d'un jugement esthétique qui soit beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, je peux aimer quelque chose qui est un peu moche, qui n'est pas revendiqué par tous, qui est ringard, qui n'est pas dans l'air du temps. Ouais, évidemment ça nous permet d'apprécier plein de choses et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi tout un rapport en portant le moche, en l'arborant, en le portant sur soi. Quel récit on fait de son corps? Il y a tout un chapitre, par exemple, où je raconte le vulgaire. En passant par le vulgaire, un vulgaire cool, je permets aussi d'explorer quelque part un certain sexy, un certain classisme, de jouer avec des normes qui me seraient interdites habituellement, de sortir de ce qu'on attend d'une personne bobo de 35 ans. Donc en déclarant haut et fort que j'aime un méta-vulgaire, finalement c'est une façon de réexpérimenter avec tester un certain pouvoir de séduction, pourquoi pas, sous couvert de second degré, un pouvoir de séduction, un chahutement de classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre corps une fois qu'il porte cet objet? Qu'est-ce qu'il en devient? Quel récit on en fait? Quel récit on fait de soi? À quoi est-ce qu'on échappe? Ce qui est laid pour nous n'était pas laid pour une autre civilisation. Ça, on le voit encore mieux avec la beauté. Parce que, évidemment, si on voit des idoles africains, on n'est pas capable de comprendre s'ils veulent être laids, beaux ou non, parce que pour nous, ils ne disent rien. Et pour la beauté, certainement, je dis toujours, je ne voudrais pas aller dîner un soir avec une femme de Rubens, trop de cellulite, évidemment, pour nos goûts. La laideur a l'air, pour certains aspects, d'être plus universelle, parce qu'il y a, j'oserais dire, une laideur corporelle, directe, qui est fondée sur le dégoût, la répulsion en face d'un cadavre, d'un fruit décomposé, etc. Mais peu à peu, la laideur en soi est devenue une valeur positive, et l'art ne s'est plus préoccupé de produire de la beauté, même du point de vue artistique. Et pour nos jeunes gens, une jeune fille peut aimer George Clooney, mais en même temps, on peut Marilyn Manson. Voilà. Et on ne sait plus quel est le modèle positif. C'est la voix de Umberto Eco. C'était sur France Inter le 20 octobre 2007 dans l'émission Éclectique de Rebecca Manzoni. On y entend, c'est fabuleux ce que dit Umberto Eco dans cette archive, Alice Pfeiffer, puisque il dit un petit peu ce qu'on dit quand même depuis le début de l'émission, à savoir en fait qu'il y a quand même une sorte d'adhésion. Alors il parle de la laideur, mais nous on parle du moche. Il y a une forme d'adhésion quand même au moche qui est assez universelle et qui pose cette question, je trouve, alors que la philosophie esthétique s'est beaucoup interrogée sur les catégories de beau et de laid, sur les catégories de jugement et notamment de jugement de goût, si le moche ne permet pas de repenser autrement cette idée de jugement de goût. C'est-à-dire ce qu'on pensait être universellement beau ou universellement laid, avec le moche, tout ça est mis à mal et on a un jugement de goût qui est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus adéquat avec notre ressenti, mais aussi beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, effectivement, comme le dit Umberto Eco, un objet, parfois, on ne sait pas s'il est beau, s'il est moche, les valeurs sont comme inversées. Ça, c'est quelque chose qui est très drôle parce que j'ai évité évidemment de parler de personnes humaines, mais dans les agences de mannequins qui traitent les personnes comme du bétail, et on va dire, on va attendre des choses comme elle est belle, non pas encore. Et ça, on sait que c'est quelque chose, une mode qui est en revenir, qu'on est parti, qu'on peut prédire à peu près. Elle était belle il y a 2 ans. Donc c'est vrai que c'est propre à des moments, à des instants. Et on a ce problème exact. Par exemple aussi, quand Elite Chine s'est lancée, là c'était très intéressant parce qu'on s'est aperçu que c'était finalement un regard occidental sur certaines beautés, sur une culture asiatique. Et maintenant, en pleine mondialisation, on a ce conflit de quel consommateur aime quoi, qu'est-ce qui est beau ou comment. Quand les marques doivent toujours s'adapter aux attentes du Moyen-Orient, qui vont avoir une toute autre idée de la beauté, du luxe, du désir, de ce qui nous horripile ou pas. Et mais la mode du moche, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'Occident aujourd'hui. Ce moche-là, ce rebut de choses qui sont passées, de ce qu'on pourrait trouver dans une poubelle, en friperie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire pour le monde étranger. Je ne vais pas exactement vous dire qu'est-ce qu'est le summum du moche à Dubaï ou en Chine, tout ce qu'on sait. Donc c'est... finalement, le moche, ce n'est pas si universel que ça. Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas. C'est situé dans le temps et c'est situé géographiquement. Et aujourd'hui, notre moche à nous, c'est vrai que c'est on voit la fin de d'un rêve capitaliste, la fin d'une mondialisation, la fin de la fast fashion. Et s'il y a un peu un goût de fin du monde finalement. Mais le moche, c'est une manière aussi de dire de contester certaines normes esthétiques, sociales, politiques, mais aussi peut-être certaines normes esthétiques. Mais là, j'entends plus philosophique. C'est-à-dire de dire, en fait, arrêtons de penser les objets, les corps, les paysages en termes de normes universelles figées dans le temps. Ouais, parce que il y a des codifications tout autres, des mythologies, des vues, des portraits qui répondent finalement à ce qu'on attend de la nature, ce qu'on attend de l'amour, de l'intimité, c'est la façon dont on va montrer des corps, de la séduction, c'est qui sont propres à chaque époque finalement. Et il y a vraiment peu de choses, peu de représentations, même finalement des représentations familiales, amoureuses qui traversent complètement le temps. Et puisque les notions de pudeur changent, les fantasmes changent, donc c'est effectivement je pense que c'est impossible. Il y a pas de c'est un mythe universaliste qui tient pas vraiment debout en fait, qui de se dire qu'il y aurait des grandes images qui traverseraient tout. Et ça, là, on revient sur cette idée. Là, vous avez prononcé quand même ce terme de mythe universaliste qui résonne en fait avec les débats actuels qu'on peut avoir sur l'universalité. Qu'est-ce que c'est ? L'inclusion par rapport à cette universalité qui est représentée souvent en fait d'une seule manière. Or là, le moche vient précisément concurrencer ça et au contraire montrer quelque chose de beaucoup plus inclusif. Mais finalement, est-ce que cette inclusion que permet le moche, comme c'est quelque chose quand même qui n'est pas universel, justement, qui est situé de manière diverse, est-ce que ça peut avoir un écho, en fait ? Est-ce qu'on peut entendre, en fait, ce qui n'a pas une portée dans laquelle tout le monde se retrouve ? Ben, c'est une grande question parce qu'effectivement, quand on parle d'universalisme, à l'envers, il y a des mouvements décoloniaux aujourd'hui et qu'on voit beaucoup dans les post-colonial studies qui s'ancrent autour d'un multiculturalisme comme on peut trouver en Angleterre. Il y a des mouvements entiers qui s'appellent, Decolonize Your Beauty Standards ou bien qui nous annoncent que nos standards de beauté sont, comme on dit, whitewashed. Donc qu'il faut décoloniser, je traduis, décoloniser nos standards de beauté. Et dans la chirurgie esthétique, en fait, qu'on a vu, que c'était absolument pas quelque chose d'objectivement plus beau, on était en train d'entre guillemets blanchir des traits, c'est-à-dire que les tout petits nez, c'est quelque chose qui sont très propres à finalement un genre de faciès de physique plus occidentale. Et aujourd'hui, ce qu'on va trouver beau, moche, en général, peut être aussi teinté d'exotisme, teinté de mépris de classe, on le disait. Et donc, on va attribuer de façon plutôt grinçante, on va voir des normes plus orientales vont être décrites comme pas chic, trop bling, et des valeurs qui sont faites finalement pour discréditer quoi que ce soit d'autre que nos normes occidentales à nous. Mais on voit aussi les tendances inverses qui sont justement des représentations de corps différents, des couleurs de peau différentes. Et même parfois, on l'a dit tout à l'heure avec cet exemple que vous avez donné à Liz Pfeiffer, qui est quand même, à force de vouloir montrer la diversité, on tombe aussi dans des pratiques de distinction snob, du snob qui se fait moins snob que le snob, mais en fait qui est beaucoup plus snob, et d'appropriation culturelle, où là finalement, le moche devient une manière manière un petit peu ambiguë, en fait, de se saisir de ce terme de diversité et d'inclusion. C'est un des grands débats aujourd'hui. Effectivement, il y a du... on parlait de woke washing ou inclusivity washing. Donc, on va effectivement donner quelques corps à voir, mais ça va être avec une lecture de la beauté, des traits qui dérogent à peine. Ce qu'on va dire, des corps gros, ça va finalement être du 38. Des peaux métissées, ça va des couleurs de peau qui vont finalement faire preuve de ce qu'on appelle le colorisme, donc d'une préférence des peaux plus claires, des cheveux plus souples. Donc, il y a absolument, on inclut dans nos normes beauté des gens qui rentrent finalement, mais qui à condition de se plier à ces quelques attentes. Donc c'est effectivement toute la diversité, le multiculturalisme, l'inclusivité, c'est des valeurs d'époque, mais qui font que réitérer et donner de l'eau au moulin finalement. Donc c'est là où il faut peut-être un petit peu se méfier de cette notion. Moi, je vous propose d'écouter un texte de Milan Kundera, c'est sur le kitsch. Derrière toutes les croyances européennes, qu'elles soient religieuses ou politiques, il y a le premier chapitre de la Genèse, d'où il découle que le monde a été créé comme il fallait qu'il le fût, que l'être est bon, et que c'est donc une bonne chose de procréer. Appelons cette croyance fondamentale « accord catégorique avec l'être ». Si récemment encore dans les livres, le mot « merde » était remplacé par des pointillés, ce n'était pas pour des raisons morales. On ne va tout de même pas prétendre que la merde est immorale. Le désaccord avec la merde est métaphysique. L'instant de la défécation est la preuve quotidienne du caractère inacceptable de la création. De deux choses l'une. Ou bien la merde est acceptable, alors ne vous enfermez pas à clé dans les water, ou bien la manière dont on nous a créés est inadmissible. Il s'ensuit que l'accord catégorique avec l'être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n'existait pas. Cet idéal esthétique s'appelle le kitsch. C'est un mot allemand qui est apparu au milieu du 19e siècle sentimental et qui s'est ensuite répandu dans toutes les langues. Mais l'utilisation fréquente qui en est faite a gommé sa valeur métaphysique originelle. Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde. Au sens littéral comme au sens figuré, le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable. Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vendredi, notre série sur les objets inattendus de la philosophie, et aujourd'hui donc sur les crocs, mais plus précisément sur le moche. Et une des catégories du moche, Alice Pfeiffer, selon vous, dans votre livre, c'est le kitsch. On a entendu cette définition du kitsch par Milan Kundera, c'est dans L'insoutenable légèreté de l'être, un livre paru en 1984, et on l'a entendu, le kitsch par essence est la négation absolue de la merde. Bonne manière de définir le moche ? Ça sublime la merde. Ouais, le kitsch, ça vient de Bradé. J'en fais effectivement tout un chapitre. Le point de départ, c'était j'avais une vieille tante hongroise qui avait chez elle ce qu'elle appelait le Louvre à domicile. Et c'était des petits David, une petite Joconde en plâtre, des chatons qui pleurent, des orphelins. Et moi, je me souviens de trouver ça magnifique. J'en pleurais d'émotion. Elle me donnait un petit à chaque fois que je la voyais. C'était le plus beau jour de l'année. Et par la suite, j'ai réalisé qu'en fait, la plupart de la société l'aurait regardé de haut, ils auraient sneered, comme on dit en anglais, ils l'auraient un peu dédaigné. Elle montrait qu'elle n'avait pas les origines, enfin pas les originaux, non, mais absolument pas une collectionneuse d'art. Et je me suis demandé, ce qui est intéressant avec ce moche-là, c'est qu'il emploie la même grammaire visuelle que le beau, c'est-à-dire que dans les lignes esthétiques pures. Oui, il n'est pas là pour le contredire finalement. Ah, et au contraire, ce moche est à fond avec le beau, on peut le dire. Ah oui, tout est là en fait. Finalement, on va prendre une grammaire classiciste, un peu rococo, reprendre des grandes lignes baroques, c'était magnifique et dramatique et hyper réaliste, mais c'était moche parce que par sa production, parce qu'on savait, et du coup, une fois de plus, le mépris de classe est cinglant ici, c'est parce que ça avait été fabriqué en masse, son essence devenait en faisait quelque chose d'irregardable. Et je me suis demandé comment il peut y avoir, en étant mis au courant de la production et des conditions de production et de diffusion, le regard bascule totalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de vrai ratage, il n'y avait pas de faux pas, hormis le fait que... C'est pas vulgaire, c'est pas trop, c'est pas assez, non, c'est pas décalé dans le temps. C'est répliqué à l'identique. Comment ça se fait que l'obélisque du Luxor soit un monument partagé, mais sa reproduction Swarovski fait rire les plus riches? Mais on retrouve là la thèse de Walter Benjamin, par exemple. Exactement. Sur la reproduction enfin l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, où on voit qu'effectivement, dès que un objet est produit en série, il y a une perte d'aura, il se rapproche de l'homme, et de fait, ce qui est plus proche de l'homme devient plus moche. Mais du coup, est-ce que c'est pas juste accorder de la légitimité aux gens qui ont le capital financier d'avoir une collection d'art authentique, inédite pour eux, proche de l'artisan, proche du peintre? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres personnes qui rêvent juste d'un appartement décoré? Est-ce qu'un appartement sans cet accès à l'art contemporain n'a donc plus de valeur? Est-ce qu'on devient moche parce qu'on est pauvre, en fait, finalement? Et du coup, je pense que, encore une fois, on retrouve les mêmes mécanismes qu'on décrivait dans la mode. Le kitsch est omniprésent chez Pierre et Gilles, on voit des nains de jardin à la FIAC, on va voir des... Un objet qui pourrait parler beaucoup aux auditeurs et aux auditrices, c'est par exemple les flacons de parfum de Jean-Paul Gaultier. Le mâle. Voilà, exactement. Donc le mâle, là, donc c'est un buste d'homme, habillé en marinière. Donc c'est vraiment la représentation du marin, viril, ambigu, sexuelle, à la fois viril et féminin, avec ce parfum qui est assez vanillé. Donc ça, c'est un objet qui est kitsch et en même temps dont tout le monde s'est emparé, parce que ce que dit aussi là le moche et le kitsch, c'est aussi en fait qu'il y a une vertu, et on n'a pas employé ce mot, on a parlé d'inclusion, de concurrencer l'universalisme un petit peu creux, mais il y a aussi en fait ce dynamisme démocratique. Alors oui et non, parce que ça Gaultier, c'est un bon exemple, parce que effectivement il tend vers le peuple, c'est des objets en plus qui sont plutôt abordables, et puis qu'on a senti partout pendant des années, qui était en grande diffusion, qu'il n'est pas resté dans une pratique élitiste où l'objet était introuvable. Mais finalement c'est accepté à condition d'appliquer ce que Hogarth dans La culture du pauvre a appelé une attention. Alors c'est qui Hogarth? Hogarth, c'est un sociologue qui a traité de la culture populaire en Angleterre et qui a été une des grandes bases pour les cultural studies, donc les cultures non nobles. Et lui parlait d'attention oblique, c'est-à-dire que c'est un autre contrat de lecture où on promet de le regarder, à condition de le regarder, de le consommer au second degré. Donc il y a une connivence partagée entre tous les gens qui se moquent ensemble de cet objet, mais qui en jouissent en même temps. Mais qu'est-ce que ça produit alors, ça? Est-ce que ce serait une troisième lecture du moche? Ouais. À savoir, non pas le moche qui est porté sans qu'on s'en rende compte et qui du coup en fait est juste stigmatisé en tant que moche, le moche dont on se sert comme une pratique pour se distinguer un peu plus, on va parler avec les tendances de mode, le fait d'aimer le moche, et là en fait il y a quelque chose, c'est une sorte de troisième lecture qui se joue. C'est-à-dire qu'on a vraiment aimé le moche, mais avec toute une conscience intellectuelle que ça peut supposer, de l'ironie du second degré, mais qui finalement en fait va allier une sorte de juge de goût en fait pour le moche, assez viscéral, intime, avec quand même un jugement intellectualisé. Et c'est ça, et un faux pas conscientisé. Est-ce qu'on peut parler de entre guillemets ce qu'on nomme parfois en sociologie le tiers espace, donc ce lieu où sont réconciliés ce qu'on n'ose pas avouer qu'on aime, et cette moquerie généralisée de soi-même en train de consommer ce qu'on n'aime pas. Donc on se rend compte que c'est un faux pas, on l'annonce comme tel, on l'apprécie autant, et je pense que le moche permet ainsi de se réconcilier avec tout ce qu'on n'ose pas montrer et tout ce dont on a conscience. Et à cet égard-là, le moche tel qu'on en parle là, on parlait de la dimension démocratique, il y a donc ce tiers espace qui se joue à l'intérieur de soi, mais qui joue aussi en fait avec les autres. C'est-à-dire qu'on rit ensemble d'un mauvais goût. Et là, il se joue une forme d'intersubjectivité. C'est un concept kantien qui joue dans le jugement de goût, c'est-à-dire la communication des consciences sur ce qui plaît ou déplaît. Et là, c'est exactement ce qui se produit. Oui, exactement. Et donc, on va se retrouver entre fautifs fiers et ayant partagé la même faute de goût, mais se rendant parfaitement compte que ça l'est, et à être dédouané finalement par la logique de groupe et par le partage et cette connivence de groupe. Mais pour reprendre les crocs une fois de plus. De toute façon, on arrive presque au terme de l'émission. On a encore un peu de temps, mais donc c'est bien, la boucle sera finalement bouclée. C'est une logique de groupe. C'est qu'on va avoir des tribus entières nées autour de mode. Ça va être rarement une personne un peu ermite et extérieure au système qui va le faire. Ça va être fait à condition d'être lu et compris par une foule qui nous ressemble à peu près. Est abject ce qui, tout en étant en dehors de moi, m'est proche, tout en m'étant répugnant, peut me fasciner, et c'est en cela qu'il me concerne, mais je ne l'assume pas. C'est quelque chose qui me met hors de moi. Je pense que, par exemple, l'art, fascinant, traite de l'abject. Il y a un côtoiement permanent entre l'abjection et le plaisir esthétique. Ce sont des régions, en effet, qu'on est tenté d'écarter, alors que je pense qu'il faut les regarder en face, sans quoi on passe à côté d'expériences vitales fondamentales quand on ne laisse pas au sacré de les récupérer. J'ai l'impression qu'avant tout, la façon de s'habiller ou la coiffure, c'est une forme de provocation. Ouais, déjà, ouais. Ouais, c'est une provocation, enfin. Ouais, j'aime bien quand les gens... J'aime bien les emmerder, les gens. Ça les emmerde quand ils nous voient habillés comme ça. Et provoquer, ça veut dire... regardez-moi, j'existe. Ouais, déjà, tu vois, je fais voir que j'existe, quoi. Déjà, je suis pas Joe, le commun des mortels. C'est pas vraiment... Je peux pas vraiment dire que j'ai des qualités ou n'importe quoi, mais bon, j'aime bien que quand je me balade dans la rue, que les gens ils voient une différence entre moi et eux, et qui m'associe pas à tous les imbéciles qui se ramassent dans la rue, quoi. Alice Oifer, on va se quitter à la fois avec la voix de Julia Kristeva, c'était en 1980, qui parle de l'abjection, donc même pas un sentiment, en fait, une émotion paradoxale, le fait d'être attiré par ce qui nous dégoûte, vous appelez ça aussi le dégueulasse, et puis on a entendu ce témoignage donc d'un punk, une archive géniale de 1983, où on entend donc Patrick, ce punk, qui s'habille en punk pour se distinguer, mais finalement, comme on l'a dit, et comme on l'a entendu dans la voix de Kristeva, le fait, en fait, de s'habiller en punk pour se démarquer, quand tout le monde se démarque, quand tout le monde est dégoûté par les mêmes choses et en fait finalement jouit ensemble de cette abjection, le moche n'a plus rien de punk. Au contraire, c'est quelque chose même de presque conformiste. C'est ça, c'est que finalement on est tous différents pareil. Et non, ça devient la nouvelle... La nouvelle logique que t'es le punk à une époque, on se dit dans un premier temps, alors oui, c'est vrai que le moche comme le punk, ça désolidarise finalement le beau du bon. On prouve qu'avec le moche qui a plein de qualités plutôt progressistes, on peut faire du bon avec du moche. Mais finalement, si c'est récupéré comme un geste de distinction, de singularisation à l'identique de personne en personne, on perd toute l'importance qui est du moche de sortir d'une matrice finalement, vu qu'on en a créé une à l'identique. Et là maintenant, après avoir travaillé sur le moche, Alice Pfeiffer, est-ce que vous pensez que, vous le dites dès le début du livre, en fait, ce goût du moche part d'une expérience personnelle, d'un goût intime pour le moche, vous aimez le moche, mais ce goût-là, après avoir travaillé là-dessus, est-ce que finalement, et après ce qu'on vient de se dire, à savoir en fait que le moche peut en fait faire exploser certaines catégories esthétiques, certaines normes sociales de genre, mais finalement est menacé en fait d'être récupéré, en fait, c'est toujours la grande menace, à savoir d'être récupéré par de toute façon des grands systèmes, des normes qui sont surplombantes, qui sont beaucoup plus enracinées dans l'histoire ou dans les imaginaires. Est-ce que le moche, qui est le petit frère indigne et minable du beau et du laid, est capable en fait de contester? Est-ce que ça peut encore être une norme contestataire? Non, je pense qu'il faut appliquer les mêmes règles au moche qu'on fait dans tout cas d'appropriation culturelle potentielle. Jouer avec le moche quand on vient d'un contexte de mode, ça veut aussi dire faire parler l'origine, la communauté concernée, les gens auprès de qui c'est une norme et c'est une norme culturelle, plutôt que faire un système de production parallèle, de consommation parallèle, et pour finalement réconcilier, je sais pas moi, donc ce serait Balenciaga et Christina Cordula finalement, pour faire venir les vraies personnes concernées, non pas celles qui ont déjà accès à tous les codes du bon goût, mais faire quelque chose d'un petit peu plus transversal qui donnerait un peu une voix à d'autres classes sociales et à d'autres corps et à d'autres imaginaires. Il y a dans votre livre, vous citez aussi Théodore Adorno, donc un philosophe, théorie critique, école de Francfort, qui dit que le laid est un moment en fait du beau, ou plutôt un moment de l'art. Est-ce qu'on en est en ce moment même avec le moche à un petit peu ce moment-là de notre histoire esthétique en 2021 avec la mode des crocs après un confinement où on a tous questionné nos rapports, le rapport à nos corps, à notre représentation au monde. Est-ce que le moche, c'est un moment du beau? Tout à fait. Je pense qu'on a une phase où on se demande, on s'est senti quand même zioté dans le Big Brother qui était devenu notre vie entre les zooms, les passes sanitaires. Donc le moche, c'était refuser le costume du succès, le costume de la norme, pour finalement montrer un corps qui est plus libre que jamais, à condition qu'il ne rentre pas dans un système de luxe, mais qu'on continue finalement se retrouve à aller vraiment chez Tati, à vraiment récupérer, à porter les vêtements de nos parents.

Et c'est aussi sur cette page, donc la page des Chemins de la Philosophie, sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France, que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le moche, ainsi que toute notre série de la semaine sur le feu. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série, et dès lundi au programme, le dialogue de Platon, le Phédon, qui narre la mort de Socrate et ses derniers mots. Alors on parlera de ceux qui philosophent, qui s'adroitement s'exercent à mourir, l'âme immortelle, Socrate contre les détracteurs de la raison. Ce sera lundi à 10h sur France Culture.